Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, George Sand, La liberté d'aimer. Un soir de 1837, chez la comtesse d'Agoult, Frédéric Chopin, pianiste polonais et virtuose, est à peine entré que son regard est attiré par une femme étrange, comme il n'en a jamais vue. Brune, les cheveux en bandeau, les yeux noirs, belle assurément. Mais est-elle vraiment une femme ? Vêtue d'un pantalon large et d'une redingote, entourée d'admirateurs, elle fume le cigare et parle fort, sans se soucier de la bienséance qui sied, paraît-il, à son sexe. Et de quoi parle-t-elle ? De littérature, de musique, de politique même. Cette femme qui veut changer le monde, que Chopin va aimer pendant près de 10 ans, vous l'avez reconnue, c'est George Sand. L'histoire que je vais raconter ce soir commence 12 ans plus tard, en 1848. À Paris, le peuple se soulève et met fin à la monarchie, la République est proclamée. George Sand s'engage avec passion dans la bataille. Mais au printemps, alors que la Révolution s'enraye, la célèbre écrivaine part se réfugier dans sa chère maison de Nohant dans le Berry. Elle repense à son amour perdu, Frédéric Chopin, et s'interroge. Comment vivre ? Écrire, gagner sa vie, se battre pour les femmes et pour le socialisme, être une bonne mère, vivre l'amour et aussi garder sa liberté. George Sand a ceci de moderne en effet, elle veut tout. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Pour parler de George Sand, je suis très heureuse de recevoir la grande historienne des femmes, Michèle Perrault. Bonsoir, Michèle Perrault. Bonsoir, Stéphanie Duncan. Merci beaucoup d'être avec nous. George Sand, vous la connaissez bien, vous lui avez consacré plusieurs livres. C'est un personnage complexe, à la vie longue et foisonnante. Elle est née en 1804, morte en 1876, un peu comme Victor Hugo. Elle a traversé tout le 19e siècle, a connu plusieurs révolutions. Comme Hugo aussi, elle a composé une œuvre littéraire très riche, mais contrairement à lui, à Hugo, peut-être son œuvre est moins connue. Bon, on ne racontera pas toute sa vie ce soir. Bah, l'histoire que je vais raconter, Michèle Perrault, comme je l'ai dit, commence en 1848. Elle a 44 ans le 1er juillet 1848. Qui est-elle, George Sand, à ce moment de sa vie ? George Sand est une grande écrivaine, elle aurait préféré d'ailleurs écrivain, car elle était masculine dans son affirmation. Elle est reconnue en France, ses livres sont des best-sellers. Elle est reconnue à l'étranger, notamment en Italie et en Russie. En Allemagne également beaucoup, en Angleterre aussi, au fond dans toute l'Europe. Et elle s'intéresse à la politique. En 1848, quand elle entend que la Révolution est proclamée à Paris, elle quitte Nohant, elle y va, elle agit et elle écrit. C'est une grande amoureuse, mais en 1848, elle est dans une situation, j'allais dire, sentimentale difficile. Elle a rompu avec Chopin dans des circonstances douloureuses et conflictuelles. Et par conséquent, elle a ses deux enfants, auxquels elle tient beaucoup, naturellement. Qu'elle a eu, donc, il y a de nombreuses années, puisqu'elle avait été mariée. Elle avait été mariée à Casimir du Devant. Voilà. Elle avait été la baronne Casimir du Devant et elles s'en étaient séparées, divorce n'existant pas à cette époque, en 1836. Par conséquent, il y a quand même longtemps qu'elle est libre, indépendante, de gérer sa fortune, de gérer sa terre, sa famille, etc. Oui, elle a fait des choses assez étonnantes pour une femme de cette époque. Donc elle a réussi à obtenir la séparation de corps, puisque le divorce, vous l'avez dit, n'existait pas à ce moment-là. Il avait été supprimé par Napoléon. Et donc elle a réussi à récupérer aussi sa maison, la garde de ses enfants. Et en 1830, elle est partie à Paris avec son amant d'alors, un certain Jules Sandeau. Et elle écrit son premier roman qu'elle signe sous un nom nouveau, George Sand. Absolument. Et elle est partie à Paris avant la séparation de corps. C'est même un élément qui a été important pour la séparation de corps. Et oui, elle a été très brutalement célèbre. Quand elle a publié Indiana, au fond, c'est un petit peu comme Françoise Sagan et Bonjour Tristesse. Voilà, et Bonjour Tristesse. Ça a été une espèce de coup de cymbale absolument étonnant. Tout le monde s'est dit, mais qui est-ce ? Et au début, on ne savait pas trop qui c'était, parce que justement, George Sand, les premières critiques se sont adressées à des hommes. Quel est cet homme qui écrit comme ça, et qui écrit pas comme les hommes, Voilà. Oui, c'est étonnant. Et finalement, elle s'est dévoilée assez vite tout de même, et elle a beaucoup tenu à toujours garder ce nom de George Sand. Et même dans le privé, très souvent, elle disait à ses amis, appelez-moi George. Et elle a obtenu aussi en 1831, une chose assez étonnante, le droit de l'autorisation de la préfecture de police de s'habiller en homme, qui n'était pas autorisé de s'habiller en pantalon. Oui. Ça peut sembler un détail, mais ça n'en est pas un. Elle n'était pas toute seule, mais les femmes étaient très minoritaires et surtout à demander une telle autorisation. Et elle l'avait fait surtout pour aller au théâtre. Elle voulait aller au théâtre sans que les hommes lui fassent des œillades, des yeux doux, car George Sand n'est pas coquette. Elle tient trop à son indépendance pour céder à la séduction. Elle veut séduire, elle, avec les hommes qu'elle veut. En général, c'est elle qui a rompu avec les hommes, avec Chopin par exemple, et avec beaucoup d'autres, Alfred de Musset auparavant, sauf une fois avec Michel de Bourges, dont nous ne pourrons pas parler, mais là c'est lui qui a rompu et ça a été un chagrin épouvantable. Donc, cette femme a une indépendance totale. Michel Perrault, nous poursuivrons cette discussion dans une trentaine de minutes, si vous voulez bien. Tout de suite, George Sand, La liberté d'aimer, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossire. Toutes les nuits sans dormir, tout le jour sans m'asseoir. On est ivre de révolution depuis 3 mois. Tellement heureux de s'être endormi dans la fange et de se réveiller dans les cieux. La République, la grande œuvre des temps modernes. Le peuple souverain, la fraternité de tous les intérêts, la liberté de toutes les intelligences et de toutes les vertus. Nous y périrons plutôt que de la lâcher. Mon texte est bon. J'affirme, oui, que la cause des femmes et celle du peuple sont solidaires. L'égalité des droits. Et nous allons le faire. Réaliser la vraie République, enfin. Celle dont on riait il y a encore 6 mois. Ah, l'égalité, c'est bien beau, il disait. Et puis les faits s'accomplissent. Moi, je voulais être nécessaire. Indispensable même. Et me voilà une manière d'homme d'État. 15 mai 1848 à Paris. George Sand, vêtu d'une redingote et d'un pantalon de drap gris, arpente l'imprimerie de l'Assemblée nationale. Elle a 43 ans. Quelques fils d'argent dans les cheveux, un sourire franc et joyeux. Seule femme dans cet univers masculin. Elle est un écrivain célèbre. Dans ses romans, elle dénonce la condition des femmes et dans les journaux, elle défend ses idées socialistes. La Révolution, en février, a comblé ses vœux en abolissant la monarchie et en proclamant la Deuxième République. Son histoire d'amour avec Frédéric Chopin, débutée en 1839, s'est terminée il y a presque un an. Elle a duré 9 ans. C'est Georges qui a décidé de leur séparation. Mais elle a passé un hiver morose. Au printemps, enthousiasmée par les événements politiques, elle a quitté sa maison de Nohant dans le Berry pour Paris. Ledru Rollin, un ami de longue date, est à présent ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire. Il demande à Georges de rédiger tous les textes officiels, notamment le bulletin de la République. Elle a accepté avec enthousiasme. George Sand, debout près du marbre, met la dernière main aux épreuves de son article sous l'œil de l'ouvrier imprimeur. Ah, ça, Madame Sand, vous savez tenir la plume, hein. Faut pas dire. Tu pourrais le faire aussi bien. On peut faire travailler ses mains et sa tête. C'est ça, le progrès. Le bulletin de la République, qu'on placarde sur les mairies et qu'on lit à voix haute, ça, c'est une riche idée. Ça éduque les gens et ça parle aux paysans. Ben oui, si on veut une vraie République, il faut convaincre et réussir et craindre la déception du peuple. Espérance humiliée. Bah, avec les dernières élections qui ont ramené une majorité conservatrice à la Chambre, c'est rebelote pour les privilèges. Vous avez écrit que le peuple doit faire insurrection si les députés défendent que les intérêts d'une classe. Bah, moi, je suis d'accord avec vous. C'est un avertissement aux conservateurs. Dites donc, vous n'auriez pas un bon député, vous, hein ? Enfin, si vous étiez un homme. Ne dites pas ça. Un jour, j'en suis sûre, il y aura des femmes députées. J'ai refusé de me présenter. Les femmes, j'en suis convaincue, doivent d'abord se libérer de la tutelle des hommes. Obtenir des droits civils. L'égalité dans le mariage, le droit à disposer de nos biens, de notre personne, ce sera long. Après seulement, on pourra parler de leurs droits politiques. Peut-être. Vous êtes un peu socialiste et un peu resto, non ? Ma mère était ouvrière à Paris, mon père général d'Empire. J'ai pris le parti de la bohémienne contre les rois. Et tout le gouvernement suit vos conseils en secret. Vous avez plus de cran que bien des hommes. Sûrement. Bon, les épreuves sont prêtes. Le secrétaire du ministre de l'Intérieur ne devrait plus tarder à venir les prendre. George Sand, née Aurore Dupin, a conquis son indépendance de haute lutte. En 1822, elle avait épousé le baron Casimir Dudevant. donnant naissance à un fils, Maurice, puis à une fille, Solange. Mais les relations avec son mari étaient devenues odieuses. Il troussait les servantes, buvait et giflait son épouse en public. Elle l'a quitté et est venue vivre à Paris avec ses deux enfants. Là, elle a pris le nom de George Sand et depuis, elle vit de sa plume. C'est si difficile d'être à la fois femme et écrivain, artiste et homme d'État, amoureuse et indépendante. Frédéric, lui, c'est un musicien. Seulement un musicien. Mon Frédéric. Midi, j'aurais peut-être le temps de passer le voir. La dernière fois que je l'ai vu dans l'escalier, je partais, il arrivait, sa main tremblante et glacée quand je l'ai serrée. Je voulais parler, il s'échappa. C'était chez Charlotte, la même où nous nous étions rencontrés pour la première fois, en 1837. Il jouait depuis quelques instants. J'étais fascinée. C'était une balade, je crois. Georges, arrête de le regarder, il se trouble. Il faut que je lui parle. Oh là là, le pauvre enfant. Je voudrais qu'il joue pour moi seul. Il n'y a pas de pléiel, non. On en fera venir un. Deux s'il le faut. Qu'est-ce que tu lui trouves? Un humour extraordinaire. C'est vrai qu'il est drôle. À faire se pâmer de rire tout un salon avec ses persiflages spirituels. Mais tout ça sans qu'un sourire éclaire son visage. Il paraît si faible. Et son génie musical le rend si puissant. Je suis curieuse de le connaître. Tu lui écris un billet? Va lui porter. Qu'est-ce que tu as écrit? Va, je te dis. En 1837, Frédéric Chopin est à Paris depuis 7 ans. Né en 1810 dans un village polonais proche de Varsovie, d'un père français professeur de lycée, il a très tôt montré des qualités de pianiste exceptionnelles. Très vite, il joue à Varsovie, puis dans les grandes capitales européennes, Vienne, Paris. Il s'y installe. D'une élégance de dandy, ses yeux bleus et ses manières sont très appréciés dans les salons parisiens. On accourt pour entendre ses compositions qu'il ne joue qu'en petit comité. De son côté, George Sand, à l'époque de leur rencontre, est séparé officiellement de son époux. De haute lutte, elle a obtenu la garde de ses enfants. De plus, la justice lui accorde de reprendre possession de Nohant, le domaine de sa famille, qui lui avait été soustrait par son contrat de mariage. Ce soir, chez son amie Charlotte Marliani, c'est une femme libre et impatiente de vivre que Chopin au piano ne quitte pas des yeux. Elle se tient debout à l'autre bout de la pièce, fumant le cigare en souriant. Quelle femme étonnante, si volontaire, farouche. Je joue et elle me regarde dans les yeux. Elle est cruelle, je pense. Ses yeux sombres, voilés, on dirait, qui ne brillent que lorsque je joue, que disent-ils? Il y a en elle quelque chose qui m'éloigne. Et ce billet qu'elle m'a envoyé, on vous adore. Ironique ou sincère, je ne sais qu'en penser. Il l'a lu. Il me regarde. Je soutiens son regard. Voilà qu'il se lève et quitte le piano. Où va-t-il? S'il sort du salon, je... Vous partez. Je ne crois pas vous y avoir autorisé. On m'attend? Ah oui, je sais. Votre jeune fiancé? Non, je... Oh, il me ment déjà. Attendez que nous soyons amants. Vous me gênez, vos regards, votre vivacité, comment dit-on en français? On dit l'amour. On m'attend au Café Riche, des amis polonais. Ah, bonne idée. Un café glacé à l'italienne? Bien. Ben vous en faites une tête. Je l'ai voulu. Je l'ai poursuivi. Je l'ai eu. Pendant 9 ans, il a été à moi. 9 ans de tendresse et de désespoir. D'amour. Je l'ai soigné. Il m'a tourmenté. Et puis l'été dernier, je l'ai... Quel découragement cet hiver à Nohant. Depuis, il me laisse sans nouvelles. Je voudrais savoir ce qu'il pense. S'il compose. J'ai peur de lui avoir fait trop de mal. Il est si sensible, si malade. Je vais essayer de m'échapper aujourd'hui. Le voir. Madame Sand, le ministère de l'Intérieur vous fait dire qu'on n'enverra personne aujourd'hui chercher vos épreuves. Il y a du grabuge. Du grabuge? Qu'est-ce que ça signifie selon toi? Je sais pas. Mon chapeau, mes gants. Oh non, j'ai mis de l'encre sur mon pantalon. Je cours au ministère, les porter moi-même. J'arrive à attraper le Drurolin, je lui demande d'arranger le texte très vite et je repasse à l'imprimerie. Je ensuite le temps d'aller voir Chopin. Qui aime-t-il à présent? Ça me fait un peu peur de le revoir. Que la passion revienne. Est-ce qu'il me manquerait? Chopin me regrette, m'a-t-on dit. Il ne parle que de moi. Après notre première nuit, il y a 10 ans, je me disais, voilà, nous nous sommes livrés au vent qui passe et nous nous verrons de temps en temps, quand ce bon vent nous ramènera l'un vers l'autre. Une petite course dans les étoiles et puis chacun de son côté. Je pensais que cette histoire ne durerait pas. Aurora. Je peux t'appeler Aurora. Tu ne dis rien tout à coup. Parle, toi. Qu'est-ce que je dirais? Que je t'aime, que tu me donnes l'énergie de vivre, l'intensité du plaisir. Ce sera ma mort si je m'éloigne de toi. Chip, chip. La vraie vie est bien plus simple. Tu es fiancée, donc... Je veux vivre avec toi, tous les jours. Tous les jours. Chip, chip. Je ne sais pas, moi. Je déciderai, plus tard. Tu comprends? Je t'aime, moi. Et moi? Je t'aime? Oui, mon cher enfant. Alors mets-toi là près du piano. Et ne me quitte pas des yeux. Je vais jouer comme je t'aime. Je pars dans quelques jours. Mon fils Maurice est malade des poumons, tu le sais. On m'a conseillé l'Espagne. Viens-tu? Moi? Je serai à Perpignan le 29. Je t'attendrai. Si tu ne viens pas, j'irai seule avec mes enfants. Tu viendras. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient tous deux célèbres. Chopin au sommet de sa carrière mondaine et Georges Sand menant une vie très confortable grâce à la vente de ses romans. Lui est alors fiancé à Maria Wodzinska, une jeune comtesse polonaise. Mais Georges Sand ne le quitte pas. Dans le tout Paris, on ne parle que de la poétesse et du musicien. À l'été 1837, les fiançailles de Chopin sont rompues par le père de la petite comtesse qui met son veto à un mariage roturier. À l'automne 1838, Georges et Frédéric, accompagnés des enfants, Maurice et Solange, débarquent à Majorque. C'est à 10 km de la côte qu'ils décident de vivre, en pleine montagne, dans un vieux monastère posé au creux de la roche et entouré de champs d'amandiers. Cet endroit, c'est tout ce qu'il y a de plus artiste. Nous avons réussi à nous caser très bien. Chip, chip. Les enfants ne doivent pas s'éloigner. Les gens d'ici sont sauvages. Solange et Maurice sont aux anges. Ils capturent les chèvres, boivent au ruisseau, ramassent toutes sortes de plantes. Des myrtes. Oui, des myrtes. Le ciel turquoise. Les montagnes d'émeraude, les citronniers. Et l'air comme au ciel. La nuit, le chant des guitares. Mais Aurora, je suis si faible. Assieds-toi là. Je pourrais rester un an ou deux ici, seule avec mes enfants. Ils sont si heureux. Tu es sûre qu'ils ne sont pas sans danger? Mais ne t'inquiète pas, je les entends jouer. Toute cette musique que j'entends. Et je suis mourant, Aurora. Je suis mourant. Le piano est un peu désaccordé, mais c'est Prélude que tu composes. Je n'ai jamais rien entendu de plus beau. C'est tout rond et riant. Comme ces gouttes d'eau qui tombent du toit. La note bleue résonnait dans la nuit de Majorque et nous étions dans l'azur. L'hiver, sa maladie des poumons s'aggrava. Il étouffait. Il avait la fièvre. Parfois crachait du sang. Les médecins espagnols parlaient de phtisie. Je te vois infatigable. Faire mon lit. Préparer les tisanes, ranger la chambre. Te priver de tout pour moi, pour les enfants. Je vous aime, mon Frédéric. Je veux que tout soit le mieux possible. Moi, j'attends le printemps. Ou quelque chose d'autre. Qu'a dit le médecin? Il me faut une saignée. La médecine espagnole. Une voix me dit qu'une saignée te tuerait. Il te faut des tisanes de fleurs de guimauve. Rentrons à Nohant. Je te soignerai comme mon enfant. Je n'ai pas la force de me traîner. Je l'aurai pour deux. Je t'aime davantage. J'aime ta souffrance. Mon cher enfant malade. Nous vivrons ensemble à Nohant. Ma Me voilà arrivée devant le ministère de l'Intérieur. Quelle agitation. Le drôle Roland me dira ce qui se passe. Oh, Frédéric. Oui, je m'inquiète tellement de sa santé, il faut que je le voie tout à l'heure. Peut-être que je me mens un peu. Pas un jour sans que je pense à lui. Le pauvre enfant. Depuis que je suis partie, à chaque fois que je me décide à y aller, il survient quelque chose pour m'en empêcher. Un jour, ce sera trop tard. J'espère que le Dru Rollin est là. Le Dru Rollin est le chef du gouvernement provisoire de la Deuxième République et le principal artisan de l'instauration en France du suffrage universel. Les élections ont eu lieu il y a quelques semaines, le 23 avril 1848. Pour la première fois de son histoire, le peuple français a pu s'exprimer, élire ses députés. Un immense espoir pour les socialistes. Hélas, les résultats, proclamés 5 jours plus tard, furent une douche froide. Les conservateurs républicains ont obtenu la majorité, 500 députés. Le Parti de l'Ordre, qui réunit les monarchistes, est le deuxième parti, représenté avec 300 députés. Les socialistes, eux, n'obtiennent que 80 députés. Tu m'apportes le texte pour le bulletin ? Si tu peux le relire, je le remporte aussitôt. Merci, ma chère Georges. Tout ce travail que nous avons fait, pour rien. Que se passe-t-il ? Le résultat des élections et maintenant la manifestation. Elle était prévisible. La province a voté conservateur en masse. Mais le peuple de Paris, lui, a fait la révolution. À présent, il ne cédera rien. Ils sont partis de la Bastille. Au début, c'était joyeux. Mais le cortège a grossi, laissant place à la colère. Ils réclament du travail. Moi aussi, je m'impatiente. Ça ne va pas assez vite. À quand la République sociale ? Où est l'élan de février ? Quand les Tuileries étaient à nous ? Que le roi fuyait ? Crois-tu que je ne pense pas comme toi ? Mais quoi ? Le peuple a voté, et il a élu une majorité conservatrice. On me dit qu'ils sont allés ce matin jusqu'à l'Assemblée, et qu'à midi, ils ont donné l'assaut. Tout est perdu. À l'Assemblée nationale, en effet, les événements se précipitent. Le général, qui commande aux gardes mobiles, propose à la foule de laisser entrer une délégation dans l'Assemblée pour y porter une pétition. On l'acclame. Il enjoint la garde mobile de mettre la baïonnette au fourreau et fait ouvrir les grilles du Palais Bourbon. Mais c'est sans compter qu'à cette heure-là, nombre de gardes nationaux ont quitté leur poste pour déjeuner. La foule s'engouffre alors sans qu'on puisse l'arrêter. 50 000 ouvriers, sans armes, qui réclament du travail pour les chômeurs, entrent dans l'hémicycle. D'abord intimidés par le calme studieux qui y règne, ils envahissent les bancs, déguenillés, se mettent debout sur les pupitres, pieds nus. C'est un énorme brouhaha. Les députés sont immobiles. On me dit que dans l'hémicycle, Louis Blanc a essayé de calmer la foule, en vain. Et Armand Barbès ? Il a hésité, puis il s'est levé à son tour, a demandé aux manifestants de se retirer, que la souveraineté nationale soit respectée. On l'a acclamé, mais personne n'est sorti. Finalement, ils sont repartis vers l'hôtel de ville, et là, c'est le chaos. Le moindre incident, une arme déchargée au hasard, peut déclencher la catastrophe. Barbès a rédigé les décrets de dissolution de l'Assemblée réactionnaire et proclamé la constitution d'un gouvernement révolutionnaire et le vote d'un impôt d'1 milliard sur les propriétaires. Que va devenir notre République ? Mon ami Barbès. Quelle folie. Si une insurrection se déclenche, elle peut abattre la République en 1 heure. J'ai fait réquisitionner les chevaux de la garde nationale. Nous organisons la défense de l'hôtel de ville. Toi pars, au plus vite, n'importe où, en Italie. Il va y avoir des arrestations, je ne pourrai peut-être pas toujours te protéger. Adieu, ma chère amie. Notre rêve était trop grand. La République est peut-être déjà morte. George Sand attend 2 jours avant de quitter Paris. Elle voit ses amis arrêtés. Barbès est incarcéré au donjon de Vincennes. D'autres fuient en Belgique, en Angleterre. L'émeute du 15 mai a porté un coup fatal à la Deuxième République. Le 18 mai, George Sand décide de regagner Nohant. Dans la voiture qui la ramène, de nuit vers le Berry, ses pensées sont bien amères. Quel chaos ! Bientôt, je serai à Nohant. Au moins, j'aurai quitté le spectacle du triomphe de la réaction bourgeoise. Comme la nuit est belle, sombre et argentée. Oh oui, vite rentrer à Nohant. Frédéric, je n'ai pas eu le temps d'aller le voir. Pressé de tous côtés, les uns voulant que je parte, les autres que je reste... Je reconnais les boîtes Corlay. Le moulin. Enfin, plus que quelques kilomètres et j'aperçois Nohant. Frédéric. Si j'allais ne plus jamais le revoir en vie. Peut-être qu'il n'était pas à Paris. lui à qui l'idée de révolution, l'idée seule, faisait si peur. Ah, la révolution. Ne sais-tu pas, Aurora, que quoi qu'on dise, le genre humain va au hasard. C'est toi qui dis ça. Toi qui travailles 10 heures par jour. Tu ne crois pas au progrès ? Ces idées baroques de progrès, c'est une mode. Voilà comme il raillait quand il dînait avec mes amis socialistes. Il ne les aimait pas. Ni mes livres. Ni Nohant, d'ailleurs. Il s'ennuyait, disait-il, et devenait irascible, exclusif. Je suis seul. Seul en pays étranger. Tu es mon seul refuge, Aurora. C'est misérable, je le sais. Je vais mourir. Misérable, en effet. Je veux qu'on se marie. Ce génie musicien, si original, est un convenu. Le mariage, jamais. Puis il me jouait du piano entre chien et loup, pour moi seul. Et je pardonnais tout. Je ne ferai pas ce concert. À Paris, on est si désireux de t'entendre. Le plus parfait et exquis des musiciens. Voilà comment on t'appelle. En 2 heures et 2 coups de main, ton dernier concert t'a rapporté 6 000 et quelques francs au milieu des bis et des trépignements des plus jolies femmes de Paris. Scélérat. Ils ne comprennent rien. Et s'ils comprennent, j'ai peur du bruit. Mais je vais le faire. Ah, voilà une grandissime nouvelle. Le petit Chip va donner un concert. Je vois déjà l'affiche. Au salon Pleyel, Frédéric Chopin après 8 ans d'absence. Attention, je ne veux ni affiche ni programme. Je ne veux pas qu'on en parle. Dans ces conditions, tu sais, je te propose de jouer dans le noir, sans public, sur un piano muet. On riait. On riait et il s'endormait comme un enfant. Juste après Maurice et Solange. 9 ans à prendre soin de lui. La nuit, il toussait. Il était si pâle. Au début, j'acceptais. Je l'avais. Adieu les voyages, dans le devoir jusqu'au cou. Je restais rieuse en surface et j'allais pleurer au fond du jardin. Je priais Dieu, l'idéal de lumière. La tyrannie s'installait. Je ne pouvais parler de personne sans qu'il voie de l'amour partout. Mon indépendance ne me préservait pas du despotisme domestique que j'avais cru avoir oublié en me libérant du mariage. Plus il était faible et plus il devenait impérieux. Et je devais supporter le ridicule d'avoir à 40 ans une espèce de jeune amant jaloux qui se posait en propriétaire de mes pensées et de mes actions. Et puis, un jour, la lassitude. Je me sentais si vivante, et lui presque un cadavre. Tandis que la joie est le véritable signe de Dieu. Alors l'été dernier, je lui ai dit de partir. Quand j'y pense. Cela se fit presque sans rien dire. Parle-moi. Il n'est pas possible de parler. De quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Je ne comprends rien. Tu veux que je parte ? Mais tu ne comprends que ce qui t'est identique. Le reste du monde est pour toi une sorte de rêve fâcheux qui ne te donne jamais aucune émotion. Tu es dévoré de l'intérieur par un rêve d'idéal, sans miséricorde pour l'humanité. Et toi ? Tu aimes l'âme, tu aimes la chair, dis-tu ? Réellement, tu n'aimes que l'amour. Je t'ai aimé. Tu pouvais m'égarer. Me perdre. Mais... Je ne sais pas ce qui nous sépare. Ce soir, j'aurais quitté Nohant. Nohant, quelques semaines plus tard, le 30 juin 1848. Nous voilà de nouveau à profiter de l'été. Nager, rire. Charlotte, Maurice, les mêmes que l'été dernier. Il ne manque que Chopin. C'est un âne qui le portait jusqu'ici. Il souriait de retrouver la lumière du soleil après des heures enfermées avec son piano. Charlotte est infatigable. Elle se baigne avec les joies d'une enfant. Ah, je vis, je respire. Le ciel est beau. Et cette nuit, je finirai mon livre. C'est étrange, comme souvent sous le soleil brûlant, à l'heure la plus belle de l'après-midi, vient un peu de mélancolie. Peut-être parce que nous sommes le 30 juin, que demain j'aurai 44 ans, et que la République est morte il y a 6 semaines. George Sand, couché sur le sable de la berge, en costume de cavalière, fume son cigare. Des larmes font briller ses yeux. Les journées de juin 48 ont précipité la fin de la Deuxième République. Le 25 juin, les gardes nationaux ont fait feu sur le peuple. Le lendemain, le pavé de Paris saignait du sang de 3000 morts. George Sand l'a appris de son amie Charlotte Marliani, venue la rejoindre à Nohant. Les conservateurs triomphent. Le Drurolin fait l'objet d'une enquête. Quel désastre! Est-ce qu'ils oseront venir m'arrêter? on recommencera. L'idéal de la République sociale nous survivra, dans nos enfants et nos petits-enfants. On écrira des livres. Le seul camp possible pour nous est celui de la poudre et du combat. Les révolutions sont comme l'amour. Elles s'ouvrent dans la passion et finissent dans l'amertume de la trahison. Mais qui peut s'empêcher d'aimer ? Il va faire de l'orage. Regarde Fadé. Comment te sens-tu ? J'ai cru quelques semaines que les temps étaient à l'égalité, à la fraternité, à la liberté. Et voilà que la République tire sur les citoyens. Je me suis trompée et je suis triste. On fait chauffer un peu de café ? Tu as fini ton livre ? Je ne veux pas en parler. Et Chopin ? Pourquoi me parles-tu de lui ? Je n'en parle pas devant Maurice, ça le rend triste. Tu n'es pas allé le voir quand tu étais à Paris ? Je n'y ai même pas pensé. J'avais tellement à faire. Le ministère, les bulletins de la République. Tu mens. De toute façon, passe-moi l'expression, j'en ai plein le dos des grands hommes. Ils sont despotiques. Ils ont le mépris orgueilleux. Ça me fatigue, tu vois. Il est parti en Angleterre. Pour une tournée de concert. Fadet, sors de l'eau ! Ah oui ? Lui qui se faisait prier pour jouer devant plus de 20 personnes ? Son état s'est brusquement aggravé quand tu as fait renvoyer le Pleyel chez lui cet hiver. Il a compris qu'il ne jouerait plus pour toi. Il te regrette infiniment. Il ne m'écrit même pas. Délicat comme il est. Oh. Le pauvre enfant. Le pauvre enfant ! Sais-tu comme il m'a fait du mal avec son mal ? Tant que j'ai espéré souvent mourir avant lui. Tu ne penses donc plus du tout à lui ? Parfois, le regret du passé est préférable au dégoût du présent. L'orage approche. Je rentre. Cette rupture, quel débarras ! Je me disais, comme je vais travailler, courir et dormir, et me donner la joie de penser et de parler sans craindre une querelle, la liberté ! Et puis en revenant de Paris, après les événements de mai, le silence de Nohant m'a saisi. Plus de piano. Un mal au fond de mon âme. Il s'appelle Aurore. Un regard. Une caresse, un sourire de toi lorsque j'étais fatigué. Alors le monde était clair et beau. L'orage s'éloigne. Peut-être que Frédéric aura été ma dernière passion. Il me reste la littérature. Il me reste tout. Non, écrire. George Sand revient à travers champs vers sa maison. Dans la lumière du soir, elle parcourt l'allée au milieu des massifs de roses et de cyclamens mauves. Maurice et Charlotte ont dressé la table sous les deux cèdres que George Sand avait fait planter à la naissance de ses enfants, près du bassin. Je monte prendre un châle. Ce soir, verrons-nous les amis de Nohant ? Non, elle ne veut plus personne. L'orage est passé et la journée se termine doucement à Nohant. Elle s'est déroulée selon un rituel immuable. Le matin, on attend que la dame de Nohant se lève pour déjeuner vers 10h. À 3h, elle remonte travailler jusqu'à 6h. Ce soir, elle est vêtue d'un pantalon rouge et d'une tunique de soie bleue. Suspendue à son cou, une croix d'argent à chaîne dorée. On vient de terminer de dîner. Le jour disparaît sans que personne n'allume la lampe. Maurice, apporte le papier à cigarette et le tabac turc. Dans la boîte d'ébène, sur le guéridon, à côté de toi. Que reste-t-il à présent ? L'amour ? L'amour et moi ne passons plus par la même porte depuis longtemps. Ah, Maurice, si tu avais vu ça. À Paris, une femme dans un café. Elle haranguait la foule. Pendant la manifestation ? Oui, celle du 15 mai vers le Châtelet. Ah oui. J'ai demandé qui c'était. Tu sais ce qu'on m'a répondu ? Ben voyons. C'est George Sand. À coup sûr, le bruit court encore à Paris que je vais prendre la tête d'une nouvelle insurrection. Alors que je fais des confitures. L'un n'empêche pas l'autre. Des confitures d'abricots. Tu sais, Charlotte, qu'elle les surveille 3-4 heures parfois. Il faut se rendre utile. Sinon, la passion nous dévore. Delacroix va venir, il aura des nouvelles. Ici, au moins, tu es en sûreté. Oh, que non. Le député conservateur de La Châtre a organisé une manifestation ici même. À bas les communisques, il disait. Nous, des ardents disciples du père communisme, un gaillard très méchant. Ils ont promis de nous enterrer tous dans le fossé. Tu vois où nous en sommes, ma pauvre Charlotte. Je t'envie de retrouver sans cesse de l'énergie. Si j'avais le choix, je n'ai pas le luxe de tomber dans la mélancolie. J'ai sur les bras un château, ma fille et son mari à financer, un fils adoré, des amis fauchés, des dettes. J'allume la lampe, on ne se voit plus. Mais je n'ai qu'une passion, l'idée d'égalité. Un beau rêve, dont on ne verra jamais la réalisation. Je peux en donner le goût. Dans mes livres, montrer par des exemples combien l'idée d'égalité est juste. Toi, tu as la littérature. Oh, je ne sais plus très bien ce que c'est que l'art. Je monte travailler. Plus un bruit jusqu'à 4 heures, n'est-ce pas? George Sand s'est donné pour mission, selon le terme de Victor Hugo, de faire de ses livres une tribune. De son côté, Frédéric Chopin est revenu de Londres très malade. Le 17 octobre 1849, il mourra seul dans un appartement parisien. C'est Charlotte Marliani qui l'apprendra à George Sand. Elle restera prostrée plusieurs semaines. Mais en ce soir de juin 1848, elle monte joyeusement le grand escalier de pierre blanche qui mène au premier étage où est son bureau. Elle passe devant la porte capitonnée du salon où travaillait Chopin. Tout en dégrafant sa tunique et en défaisant son chignon, elle pénètre dans le petit cabinet de travail attenant à sa chambre. Oui, je ne sais plus ce que c'est que l'art. Quand l'humanité souffre et saigne, ce n'est rien d'être poète. Il faut être un homme avant tout. Vivre par le cœur et la pensée de la vie de l'humanité. Être avec ceux qui plient dès leur naissance sous le poids de la misère. Allez, au travail. Je vais le terminer ce soir et le dédier à Barbès. La nuit passe. George Sand écrit, penché sur la petite table du cabinet de travail à la lumière de la lampe. Au matin, les ombres s'estompent sur les murs. Elle éteint la lampe. Sur le mur, sous la fenêtre de la chambre, une date est écrite au crayon. 19 juin 1839, l'arrivée de Chopin à Nohant. George Sand n'effacera jamais cette date. L'aube commence à pointer. Il n'en aimerait jamais qu'une en sa vie, parce qu'il avait le cœur trop sensible et trop passionné. Fin. Voilà. C'est décidé. La petite fadette, ce sera le titre. Fini. C'est l'aube. Ce sera un magnifique jour d'été. Assez travaillé pour cette nuit. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Mon anniversaire. Ils vont sûrement me faire des blagues. Semer du foin dans mon lit. Poser un seau d'eau sur la porte que je vais ouvrir. Que sais-je? Prudence. Comme après une révolution, après la passion, chacun reprend sa vie. Quel est le premier des biens? La liberté d'aimer. L'art, la politique, la passion, tous les amours sont vrais. Vivre, que c'est doux. Que c'est bon. Malgré les chagrins, les maris, l'ennui, les dettes, les parents, les cancans, malgré les poignantes douleurs et les fastidieuses tracasseries. Vivre, c'est enivrant. C'est le ciel. J'ai souffert, oui, souvent. Je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. Le jour est levé, il faut dormir. George Sand, La liberté d'aimer, de Christine Spianti, avec Marie Payen, George Sand, Thibaut Vincent, Frédéric Chopin, Simon Bourgade, Maurice Dudevant, Aline Lebert, Charlotte Marliani, Régis Romélé, l'imprimeur Bernard, et Mathieu Létuvé, Alexandre Ludru-Rollin. Bruitage Sophie Pissantz, prise de son montage et mixage Éric Boisset et Émilie Couette, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Cédric Ossire. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur George Sand avec mon invité, Michel Perrault. Jusqu'à 22h sur France Inter. Regarde ton cœur comme il est sec. Tu vois bien qu'il se lasse. Ce ballon qui titube et traîne à bout de bras. Il laisse une marque au sol. Regardons de plus près. Ça ressemble à une silhouette qui tremble. Est-ce son âme ou bien son nom? Sparrow, Agrafe, sur France Inter, dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin à la technique, Julien Michel. Michel Perrault, nous venons de quitter George Sand à l'aube du 1er juillet 1848. Elle va se coucher après avoir terminé l'écriture de son roman La Petite Fadette. Et ce qu'elle dit, je trouve, est très intéressant. Elle dit, eh bien voilà, je vais avoir 44 ans aujourd'hui. J'ai beaucoup souffert, mais j'ai aussi encore cette énergie. Elle fait ce bilan de sa vie. Malgré les déceptions amoureuses et déceptions politiques, il lui reste sa passion de vivre, sa passion d'écrire et sa passion d'égalité. George Sand est une énergie. C'est un courant vital qui la traverse et qui traverse son œuvre. Et elle a eu des crises mélancoliques très fortes, des envies de suicide. Oui, c'est une femme romantique, même. Elle est très dans son époque aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais progressivement, elle en triomphe. Et elle en triomphe à la fois. Elle dit j'ai une santé de fer. En réalité, elle était tout le temps malade. Tout le temps patraque, tout le temps malade, mais santé de fer quand même, le désir de toujours entreprendre quelque chose, de galoper. Elle était excellente écuyère et jeune, elle galopait beaucoup dans la campagne du Berry. Et puis écrire qui était sa passion. Elle a souvent dit que c'était un moyen de gagner sa vie, ce qui est évident. Elle n'aurait jamais pu recevoir à Nohant comme elle l'a fait si elle n'avait pas gagné sa vie par son écriture. Et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent elle dit « je ne peux pas m'arrêter parce que ils ont tous besoin de moi ». Son fils ne gagnait pas d'argent, sa fille encore bien moins. Par conséquent, elle était, toute sa vie, elle a été soutien de famille et avec ce sens de l'hospitalité qui faisait que Nohant était une maison ouverte. Alors, cette énergie dans le travail, elle l'a aussi dans l'idée de progrès. Elle est profondément convaincue que on va vivre, on vit dans sa vie privée, dans sa vie publique, des crises, des chaos, mais que la vie l'emportera. Voilà. Le progrès l'emportera, aussi bien dans le domaine de la cité que dans le domaine plus personnel. Donc tout ça la soutient, et évidemment le contraste avec Chopin est très intéressant, parce que Chopin n'était pas, pour des raisons probablement de santé, n'était pas du tout dans cette optique-là. Oui, c'est assez étonnant cette relation entre ces êtres aussi dissemblables, donc Chopin et elle, qui a un certain sens, voilà, vous le dites, elle a une santé de fer, cette énergie, et puis elle a une sorte de, peut-être de bon sens presque de la campagne, enfin de un bon sens paysan, enfin elle se ressource quand elle va à Nohant, elle a ce goût aussi de des choses simples. Un goût de la terre, un goût du monde rural, elle dit « je suis ». Un paysan. Un paysan, toujours. Oui, mais le masculin était plus courant à cette époque. Elle l'assumait, tout à fait. Le sens de la nature, c'est très important pour elle. En effet, les choses renaissent. En effet, cette rencontre était peut-être improbable, mais il faut pas oublier la musique. George Sand a eu beaucoup de goût. C'est une artiste. Elle s'est pensée en artiste, elle a voulu vivre en artiste, elle aimait les arts, absolument. Auparavant, elle avait très bien connu Liszt. Liszt et Marie Dagou sont venus résider plusieurs mois à Nohant, il y a eu toute une amitié, peut-être un peu amoureuse aussi, entre eux. Et Liszt disait d'elle, elle a un bel écouté. Elle sait écouter. Et cet écouté, elle l'a eu avec Chopin. Dès qu'elle a entendu Chopin, le texte, ce que nous venons d'entendre, le dit très bien, elle a été subjuguée, elle est allée presque se mettre sous le piano, presque mieux entendre encore et éviter le bruit de la foule, la musique. Et la musique a tenu une place absolument essentielle dans leur relation. George Sand disait, Chopin désire toujours Nohant, mais s'ennuie toujours à Nohant. Mais, elle disait, c'est le seul lieu où il travaille. Et nous savons que Chopin a en effet composé les deux tiers de ses œuvres majeures et presque de son œuvre tout entière à Nohant. Donc elle a été une source d'inspiration pour lui. Oui, alors est-ce que c'est elle qui est une source d'inspiration? C'est très discuté. En fait, elle lui donnait les conditions de travail. Une certaine tranquillité. Une tranquillité, une vie domestique à laquelle il était très attaché. Il aimait beaucoup les enfants de George Sand, se considérait même un peu comme leur père, ce qui l'agaçait, George Sand, tout à fait. Mais en même temps, il savait que là, il pouvait produire comme il voulait, quand il voulait, ensuite lui jouer ses œuvres, car souvent, il lui jouait ses œuvres à elle. D'abord, le soir. Les soirs qui sont pour George Sand la plus belle période de la vie, de la journée, évidemment. Ouais, hein. Ouais. Et par conséquent, ça a été un support pour lui. Mais les musicologues disent que au fond, George Sand n'a peut-être pas compris bien, tout en l'admirant beaucoup, elle n'a pas toujours compris sa musique, vu son invention. Par exemple, elle parle de musique imitative, l'échappement d'un chien, les gouttes d'eau sur le toit à Valdemos, etc. Et lui, il disait non, je n'imite rien. Ma musique est un en soi, quelque chose en soi. Cette rupture avec Frédéric Chopin va être très dure pour George Sand. Elle est très dure, et pour bien la comprendre, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais quelque chose peut-être qui n'a pas été dit tout de suite, il y a eu le gros problème de Solange. La fille de George Sand, elle avait 5 ans de moins que Maurice, et Maurice était le bon garçon, qui a aimé sa mère tout en la trouvant parfois un peu tyrannique. Mais Solange a été très rapidement en conflit avec sa mère. Et est-ce que sa mère l'a bien traitée ? C'est un véritable problème. Solange était capricieuse, difficile. George Sand a essayé de l'éduquer, etc. Et finalement, Solange a voulu se marier. Un grand sculpteur, Clésinger. Le mariage s'est fait très vite, il a surpris tout le monde. On s'est même posé des questions d'ailleurs à ce sujet. Et Chopin n'a pas été tenu au courant. Or, Chopin se considérait comme le père des enfants. Il avait une affection particulière pour Solange, peut-être un peu amoureuse, enfin on n'en sait trop rien, alors que Maurice, à ce moment-là, ne supporte plus Chopin. Et c'est cela qui est en partie à l'origine de la rupture avec Chopin. Le 7 juillet 1847, il y avait eu à Nohant une scène épouvantable où les Clésinger, Solange et son mari, étaient venus réclamer de l'argent à George Sand, lui reprochant de maltraiter sa fille. Et Clésinger avait pris un marteau et l'avait jeté à la tête de George Sand. La vie n'était pas toujours calme à Nohant. Non, n'est pas un lieu calme. Et quand Chopin, l'ayant appris par Solange, il avait pris le parti de Solange. Et ça, George Sand ne le supportait pas. Alors, côté politique, il faut quand même en parler, c'est important, il très me semble. Important. George Sand, donc, on l'a vu, s'est engagé avec passion dans la Révolution. Mais par rapport aux femmes, on l'a vu, elle ne donne pas son accord aux femmes de la Révolution de 1848 qui réclament le droit de vote. George Sand avait Elle avait une logique. Elle avait une logique à elle, les droits civils d'abord. Il faut que les femmes soient des individus reconnus par le droit. Elle disait bien sûr les droits politiques, mais les femmes sont complètement dominées, elles n'ont aucune éducation. Ça, alors, elle était furieuse contre l'éducation qu'on donnait aux filles. Il faut qu'elles soient éduquées, il faut qu'elles aient des droits civils. Quand elles seront des individus à part entière, alors elles auront des droits politiques. Est-ce que, à votre avis, Michel Perrault, George Sand est une écrivaine reconnue à sa juste valeur aujourd'hui ? Non. À mon avis, non. Elle est un très grand écrivain, comme elle aurait dit elle-même, nous disons, nous, écrivaine, et je pense qu'on la redécouvre aujourd'hui. Il me semble que depuis 20 ans, on la redécouvre en grande partie grâce aux études féministes, etc., etc. Mais on met du temps à rentrer dans sa littérature. Il faut dire aussi que l'obstacle du temps dans la littérature est terrible. Même si on admire beaucoup Victor Hugo, tout le monde ne le lit pas tous les jours non plus. Donc encore moins George Sand. Et dans cette œuvre immense, une centaine de romans, on a évidemment du mal à se repérer. Alors juste, si vous devez conseiller un livre pour commencer l'œuvre de George Sand, quel livre conseilleriez-vous ? Historienne, je conseillerais « Histoire de ma vie ». Son autobiographie. Qui est une autobiographie absolument magnifique. Du point de vue des romans, les romans classiques, « La petite fadette » ou « La mare au diable », dédiés à Chopin. Et puis moi, il y a un roman que j'aime beaucoup, comme on a parlé de Chopin, « Lucrezia Floriani », qui est, au fond, le roman de la passion amoureuse de Chopin pour George Sand, le prince Carole, c'est Chopin, qui était extraordinairement jaloux. Et il y a dans ce roman une description de la jalousie qui est digne de Proust. On pense à Albertine disparue, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup Michel Perrault. Je conseille moi la lecture de votre livre, Michel Perrault, des femmes rebelles, Olympe de Gouges, Flora Tristan et George Sand, publié dans l'excellente maison d'édition Elisade. Également la biographie George Sand de Martine Reed chez Gallimard en collection Folio. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, donc sur le site, mais aussi sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous reviendrons au XXe siècle avec deux personnages très attachants également, deux acteurs qui ont été follement amoureux, qui ont joué un rôle marquant dans la Seconde Guerre mondiale en résistant chacun à sa manière contre le nazisme, Marlène Dietrich et Jean Gabin. Une passion dans la guerre, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Pour en parler, je recevrai Patrick Glâtre. Mais dans quelques minutes, juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.